Mireille Kanyang. Merci Madame, Monsieur de nous rester fidèles. Bonjour et bonne fête de l'Ascension aux chrétiens. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Difficultés de déplacement dans les provinces de Kirundo et Bururi. Cela fait suite au manque de carburant et le prix du ticket de transport est revu à la hausse. Dans cette édition, on aura la réaction des politiques sur les conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles. Dans cette édition, on parlera également des grognes des médiateurs collinaires de Songa, c'est en commune Gitega. Suite à un dossier, les opposants à un citoyen accusé de les avoir battus. Et la chronique judiciaire de ce jeudi nous parle de l'assistance d'un avocat pour un prévenu. La mise en onde de cette édition est assurée par Eric Ouimana. Bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour, page justice pour débuter cette édition grogne chez les médiateurs collinaires de la colline Songa, en commune Gitega, du fait que le dossier qui les oppose à un citoyen de cette colline accusé de les avoir battus au mois d'octobre de l'année dernière n'a pas jusqu'ici été reçu en audience publique. C'est au moment où, selon ces médiateurs, leur fonction devrait motiver l'avancement rapide de leur dossier. Le porte-parole du ministère de la Justice tranquillise, ce dossier a déjà quitté la phase d'instruction. Et maintenant, au tribunal de grande instance de Gitega, les détails avec Gérard Nibigira. Les médiateurs et collinaires de la colline Songa, commune et province de Gitega, demandent que le dossier pénal relatif à un habitant de la dite colline accusé de les avoir battus soit vite transmis au tribunal pour que l'audience publique ait lieu le plus rapidement possible. Un de ces médiateurs collinaires, Nsabimana Belkemas, explique que c'était au mois d'octobre 2023 lorsqu'un habitant de cette colline les a battus alors qu'il s'était rendu sur terrain pour régler un conflit foncier qui opposait deux parties. Saïman Berkeman se déplore alors le fait qu'après qu'ils aient porté plainte à l'officier de police et judiciaire, jusqu'à présent le dossier n'avance pas. Il dit qu'une réponse est reçue du parquet général près la cour d'appel de Gitega et que des machines et ordinateurs sont tombés en panne et que 5 fois successives, il a reçu la même réponse. À lui donc de se demander si oui ou non les activités de ce parquet se sont arrêtées depuis toute cette période. Il demande alors que le parquet général près la cour d'appel de Gitega transmette le plus vite possible ce dossier au tribunal afin qu'il y ait audience publique et ainsi ils seraient rétablis dans leurs droits, surtout qu'eux aussi ont la fonction d'écouter les gens et de régler les conflits qui les opposent, mais ils regrettent le fait que leur dossier n'avance pas. De son côté, le porte-parole du ministère de la Justice, Madame Hishman Anne-Marie tranquillise quand elle dit que ce dossier a été déjà transmis au tribunal de grande instance de Gitega. Ainsi, elle invite ses médiateurs collinaires de Songa à s'informer sur la date de l'audience publique de ce dossier pour qu'ils y participent. Quant à eux, les habitants de la colline Songa demandent que justice soit faite afin que le coupable soit puni conformément à la loi. Ils demandent à la population de Songa et de tout le pays de plutôt respecter les médiateurs collinaires au lieu de les maltraiter et de les battre et d'interjeter appel au niveau du tribunal de résidence chaque fois qu'ils ne sont pas satisfaits par leurs décisions. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Tant que l'on parle de la justice, comparution lundi 6 mai en chambre de conseil du tribunal de grande instance de Mukaza de la journaliste Sandra Mhoza du journal La Nova Burundi accusée d'atteinte à l'intégrité territoriale et d'aversion raciale. Selon son avocat maître Prosper Nyoyangana, cette comparution avait pour but de décider à propos de la liberté provisoire de cette journaliste. Il déplore que la journaliste a été arrêtée dans des circonstances douteuse. Maître Nyoyangana demande à la justice burundaise de relâcher Sandra Mhoza car selon lui, le chef d'accusation n'est pas fondé car basé sur des commentaires tenus dans un groupe WhatsApp. Et entre-temps, le journaliste Kenny-Claude Nduwimana a comparu jeudi 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza, détenu à la prison centrale de Mhimba depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique, de l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet de cette année pour cause de son co-accusé dans cette affaire qui a été libéré provisoirement, ne s'est pas présenté pour l'audience du jeudi 2 mai. Isanganiro, la À 13h, dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Difficulté de déplacement en province Kirundo et c'est suite à la pénurie de carburant sur les quatre stations du centre urbain de cette province. Les agences font payer le ticket de transport à 20 000 francs, alors que le prix officiel est de 17 000 francs. Les passagers demandent au gouvernement de prendre des mesures rapides pour alléger la situation. Le point avec Abraham Safari. Sur les quatre stations situées au centre urbain de Kirundo, aucune d'entre elles n'a une goutte de carburant il y a à peu près 3 semaines. Au marché noir, par chance, on peut obtenir une bouteille en plastique d'un litre et demi entre 18 et 20 000 francs si jamais le client en question n'est pas soupçonné d'être au service de la police. Cette dernière, selon les informations issues des personnes proches des vendeurs de carburant, saisit leur carburant et incarcère ces derniers. Suite alors à cette pénurie, des camions de type ben fournissant des matériaux de construction sont garés. Les propriétaires de ces derniers s'inquiètent beaucoup quant au paiement des dettes auprès des banques. La même situation se remarque également sur tous les gros véhicules qui consomment le carburant de type diesel. Quant aux petits déplacements à moto, le trajet au centre-ville de Kirundo a été doublé, c'est-à-dire de 1 000 francs à 2 000 francs. Pour le voyage de Kirundo-Bujumbura, le ticket est de 20 000 francs sur les bus d'agence, alors que le prix officiel est de 17 000 francs. Les patrons de ces agences expliquent que le carburant est acheté au marché noir sur des prix exorbitants. À cet effet, certains préfèrent stopper leur voyage, car les bus peuvent être 2 seulement par jour, au moins où, dans la situation normale, 8 bus par jour pouvaient transporter les clients de Kirundo à Bujumbura ou à Ngozi. Pour les voitures de marque Probox, de Kirundo à Bujumbura, il paye entre 35 000 francs et 40 000 francs. La population de Kirundo demande au gouvernement burundais de prendre des mesures qui allègent cette situation. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. En province Bururi, c'est au sud du Burundi, la problématique est similaire. Les passagers se plaignent suite au prix du ticket de transport multiplié par 2 chez certains conducteurs de motos et véhicules de type Probox qui disposent encore du carburant. À titre illustratif, de Bururi à Matana, Warumonge ont payé à 10 000 francs alors que le prix officiel du ticket de transport est de 5 à 6 000 francs burundais. Les conducteurs et passagers demandent au gouvernement de trouver solution à cette pénurie répétitive du carburant. Le point avec Zeno Nzambimana. Aucun véhicule assurant le transport en commun n'était garé au parking situé au marché de Bururi depuis le matin de ce jeudi jusqu'à 11h30, ce qui a provoqué beaucoup de grognes chez les passagers qui étaient apparemment désespérés. Cependant, vers 12h de ce jeudi, 3 motos et 2 véhicules de type Probox sont arrivés à ce parking, mais les conducteurs de ces véhicules ont revu à la hausse le prix de tickets de transport. À titre initiatif, de Bururi à Rumonge, de même que de Bururi à Matana, ils exigeaient une somme variante entre 10 000 et 15 000 francs burundais, alors qu'avant la pénurie du carburant, on payait entre 5 000 et 6 000 francs burundais. De Bururi, au chef-lieu de la commune de Vianda, un de ses motards a demandé à son client une somme de 35 000 francs burundais. Un autre lui a exigé une somme de 30 000 francs burundais, alors qu'avant la pénurie du carburant, on payait une somme variante entre 10 000 et 15 000 francs burundais pour le même trajet. Et pour cause, c'est la pénurie répétitive du carburant qui s'observe à Bururi. Le dernier carburant a été servi à la fin du mois d'avril de cette année par différentes stations du chef-lieu de la province de Bururi. C'est les employés rencontrés à la station service où étaient alignés beaucoup de véhicules depuis ce mercredi. Les conducteurs de ces véhicules nous ont indiqué qu'ils ont reçu des informations disant que le carburant peut être disponible d'un moment à l'autre, raison pour laquelle ils ont préféré y garer leur véhicule. Les conducteurs de ces véhicules le transport en commun de même que leurs clients et certains de la population du chef-lieu de la province de Bururi, dont certains qui disent qu'ils ont déjà abandonné leurs activités suite au manque de carburant, demandent à l'État de tout faire pour trouver une solution à cette pénurie répétitive de ce produit. Depuis le parking de Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Et en réaction des politiques, le parti Parena estime que le fait que la situation économique se détériore au Burundi est inévitable car, dit-il, les dirigeants n'ont pas mis en place une politique claire pour gérer les devises. Zenon Nimubona, président de cette formation politique, affirme que même dans les années antérieures, le Burundi a pu traverser les crises comme l'embargo. Quand les autorités avaient tout fait pour avoir des réserves en devises, il demande au gouvernement d'entamer le dialogue avec les autres partis politiques afin qu'ils puissent trouver une solution aux problèmes économiques qui hantent le pays. On l'écoute. Cette situation n'arrive pas brutalement. C'est une situation qui était prévisible. Les pays sont dans des rapports commerciaux où ce que vous n'avez pas, vous devez l'acheter. À la devise du vendeur, il se fait que cette monnaie du vendeur, c'est le dollar. Ils n'ont rien fait pour les produire. En ne faisant rien pour encourager ceux qui ont des devises pour venir s'installer ici, c'est une situation qu'ils ont provoquée délibérément par le passé. Prenez le cas du café. Dans les années 80, on exportait aux environs de 40 000 tonnes de café. Maintenant, on n'exporte que dans l'ordre de 7 000. Alors que la population s'est multipliée par 4. Naturellement, le pays devrait en souffrir. Et le peu d'exportation que l'on a eu dans l'entretemps, notamment au niveau des minéraux, il n'y a pas eu de politique pour les rapatrier. Cela montre que les gouvernants ont des soucis ailleurs, mais pas des soucis de doter le pays d'assez de moyens pour survivre. Bon, les difficultés sont d'ordre politique d'abord. Quand il y a une politique d'exclusion, cela ne peut que conduire à un tel stade. Le Burundi a beaucoup d'intellectuels qui sont formés depuis des années, mais ils sont écartés au profit des militants. Il est alors, encore une fois, opportun de ramener le système politique conçu à Arusha qui devrait distinguer les postes politiques et les postes techniques. Maintenant, tout est mélangé, tout est militantisme, et ça ne conduit qu'à la panne générale de l'État. Et pour le parti Iranak, l'on indique que pendant les périodes difficiles qu'a connues le pays, il a su quand même, il y avait un stock stratégique carburant qui pouvait pallier à la pénurie du carburant, mais aussi des réserves d'or à la BRB comme garantie pour la monnaie nationale. Aloïse Barichako, président de ce parti, trouve que la première chose à faire est d'ouvrir les portes à différentes organisations et à différentes organisations et associations des droits de l'homme, car la monnaie que ces associations utilisent est étrangère et pourrait contribuer au développement du pays. On écoute Aloïse Barichako, président du parti Ranak. Oui, au cours de différentes crises qui ont secoué le Burundi, quand même le pays a pu résister, a pu maîtriser les flambées des prix et la pénurie de carburant. Même pendant la période d'embargo, le Burundi a pu s'y prendre. Pourquoi? Parce que d'abord, à cette période-là, il y avait le stock stratégique carburant qui pouvait pallier au manque de devises pour importer le carburant. À ce moment-là, on avait quelques jours, quelques mois. Aussi, il faut remarquer que quand même, dans cet domaine, les associations des droits de l'homme, les associations sans but lucratif, certaines ONG ont continué à fonctionner. Et la monnaie qu'ils utilisaient souvent, c'est une monnaie qui vient de l'étranger, une monnaie étrangère qui peut parier au manque de produits pour le gouvernement. Et le gouvernement peut utiliser ces devises qui viennent pour aider ces associations. Aussi, le café quand même était exporté en même temps que le thé. Les devises, la monnaie étrangère qui venait grâce à l'importation du café, du thé, l'entrée à la BRB. Aujourd'hui, vous avez même entendu le président, son excellence faisant le président de la République se lamenter. L'argent qui devait arriver de l'extérieur avec l'exportation de ces produits, souvent, c'est de l'argent qui est détourné. Aussi, le Burundi pouvait parier à la flamme parce qu'il y avait encore des réserves d'or à la BRB. C'est une garantie pour la monnaie nationale. Aujourd'hui, il faut d'abord prendre des mesures d'urgence, il faut faire tapage diplomatique, il faut renouer les relations diplomatiques très rapidement avec les anciens amis. Il faut réouvrir les portes de différentes agences des Nations Unies, les différentes associations de lutte contre les droits de l'homme telles que Human Rights Watch. Il faut les laisser fonctionner ici parce que la monnaie qu'ils utilisent, c'est une monnaie étrangère, mais qui transite par la BRB. Et en ce moment-là, le Burundi peut en utiliser. Deuxième chose, il faut abandonner les poursuites, les mandats de 2015, pour que les hommes politiques qui sont à l'extérieur, les hommes et les femmes politiques qui sont à l'extérieur puissent rentrer au pays. La société civile, les Prodage, Maison Shalom, doivent venir ici pour que le financement qui est inscrit sur la République Burundi puisse rentrer à la BRB afin d'être est reconverti en monnaie nationale, mais c'est toujours de la monnaie étrangère que le gouvernement burundais peut utiliser. Après une courte transition, on va suivre la chronique judiciaire de ce jeudi. Radio Isanganiro, chronique justice. L'assistance d'un avocat pour un prévenu est obligatoire dans certains cas, tel notamment pour une infraction qui prévoit une peine d'au moins 20 ans de servitude pénale. C'est du moins le contenu de certains instruments internationaux, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Burundi, mais également le contenu du code de procédure pénale burundi. Maître Gilbert Ninina Hadzoué explique que l'avocat conseil est dans ce cas considéré comme un expert assistant le prévenu au cours de cette procédure. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire présentée par Alain Désiré Boukéinez. Le droit d'assistance d'un avocat est consigné dans certains instruments internationaux, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la constitution de la République du Burundi, dans le code de procédure pénale, mais également dans le statut de la profession d'avocat. Dans certaines circonstances, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Un mineur de moins de 18 ans ne peut être auditionné en l'absence d'un avocat. Explique Maître Gilbert Ninina Hazoué. L'assistance d'un avocat est obligatoire en cas de minorité. L'assistance d'un défenseur est obligatoire pour les prévenus mineurs. Sous peine de nullité, tout interrogatoire d'un mineur de moins de 18 ans doit se dérouler en présence d'un avocat ou de toute personne ayant des connaissances en matière de justice juvénile. Il en est de même pour tout prévenu ou inculpé poursuivi pour un crime grave, mais également lorsque le juge considère que l'assistance d'un avocat s'avère indispensable. Lorsque l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi est puni de la servitude pénale d'au moins 20 ans, l'assistance d'un défenseur est obligatoire. Mais là, cette disposition nuance, le prévenu peut y renoncer. Un autre cas, c'est lorsque le juge le trouve nécessaire. Le prévenu ou l'accusé peut se doter d'une assistance de son choix ou en cas de difficulté, le juge se contente de lui donner un avocat de la part de l'Ordre des avocats en concertation avec le barreau. L'inculpé peut également bénéficier d'une assistance d'un avocat provenant des organisations œuvrant dans ce secteur. Il s'agit ici des règles de procédure qui doivent être respectées, et cela dans le but d'assurer un procès équitable et le respect des droits de l'homme. Un inculpé qui fait face à un officier du ministère public, il peut lui être difficile de défendre sa cause. C'est pour assurer le droit à la défense à l'inculpé, par conséquent, avoir accès à un procès équitable. En cas de minorité, le mineur a besoin d'une protection spéciale. En cas de violation de cette règle qui rend obligatoire l'assistance d'un avocat dans certaines circonstances, l'inculpé ou le prévenu a le droit de garder le silence pour toutes questions posées devant les instances judiciaires. En cas de non-respect du droit à l'assistance par un avocat, le prévenu inculpé a droit au silence. L'inculpé a droit au silence. Il peut refuser de répondre à toutes les questions qui lui sont posées jusqu'à ce qu'il soit doté d'un avocat. Le prévenu peut également saisir les instances supérieures. Au cours de toutes les phases de la procédure judiciaire, que ce soit devant un officier de police judiciaire, que ce soit devant l'officier du ministère public ou encore devant le juge, les procès-verbaux dressés contre un inculpé en violation de la règle qui rend obligatoire l'assistance d'un avocat doivent être considérés comme invalides. Maître Gilbert Ninina Hazoué explique que par conséquent, la justice doit recommencer les enquêtes. Alain Désiré Boukéneza. Et voilà, c'est à 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de nous avoir prêté oreille attentive et très bonne suite de nos programmes.